habitude. Tu dis qu'il faut du temps, qu'aimer n'est pas un jeu d'enfant. Je sais bien que tu mens, mais je suis si seule à présent. Ainsi sois-je, ainsi sois-tu, ainsi sois-t-il. Ainsi moi je prie pour que tu fuis mon exil. Mais quel espoir pourrais-je avoir quand tout est noir. Ainsi sois-je. Sois-tu, ainsi sois-tu, ainsi.